l'amour sur le goudron tiède, ni chaud ni froid, non, j'ai dit tiède, rien que toi et moi, mon amour. Faisons l'amour sur le goudron tiède, ni chaud ni froid, non, j'ai dit tiède, toi et moi, pour toujours, mon amour. Faisons l'amour. Faisons l'amour.